Alors, vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89,1 et pour commencer l'émission, je suis heureux d'accueillir Aurélie Lévy qui est de retour parmi nous. Bonjour Aurélie. Bonjour François. Ça va bien? Oui, et toi? Oui. Un long congé pour toi? Oui, un long congé, effectivement. Je me suis attelée à faire la relève de Futur Simple. Ben, c'est bien ça. Alors, cette année, tu nous proposes des chroniques science-enfant. Moi, je trouve que c'est un thème très intéressant. C'est-à-dire donc des idées pour faire découvrir le vaste monde des sciences aux enfants et tout ça de façon agréable et de façon ludique. Alors, tu commences par nous présenter un livre de Neil Layton. Oui, tout à fait. Donc, comme tu l'as dit, effectivement, ça va être que des choses qui vont être vraiment ludiques pour voir comment est-ce qu'on peut aborder la science, fin de compte, en s'amusant, parce que c'est pas forcément rébarbatif ou compliqué ou ennuyeux ou réservé aux grands qui ont forcément une connaissance des sciences. On peut, dès tout tout petit, comprendre beaucoup de choses à la science. Donc aujourd'hui, le livre que je vous présente, ça s'appelle « Une drôle d'histoire » de Neil Layton. Et en fait, c'est la drôle d'histoire, c'est l'histoire du monde dans lequel on vit. Mais pas le monde juste le Québec ou le Canada, c'est pas juste la planète Terre, l'univers dans lequel on vit. Okay. Et le livre commence en disant, mais il y a très très longtemps, il n'y avait rien. Pas d'espace, pas de temps. Comment est-ce qu'on imagine un monde sans temps? Pas de planète, pas de gens, ni toi, ni moi, ni personne d'autre, rien du tout. Et puis tout d'un coup, bang! Et voilà, et donc c'est là que commence notre livre. Et on a une vingtaine de pages qui nous racontent l'histoire de la création de l'univers jusqu'à le monde d'aujourd'hui. Alors pourquoi je voulais vous parler de ce livre? Parce qu'il y en a beaucoup qui parlent, qui traitent de ce sujet. Mais je suis vraiment tombée en amour de celui-là. En fait, c'est un livre qui est créé avec des pop-up. Alors c'est les pop-up, pour m'expliquer, ce sont ces illustrations qui sortent du livre. On peut tirer des petites illustrations pour voir ce qui se cache, tourner des petits trous quand on ouvre des pages. Là, par exemple, voilà, il y a un énorme bang qui se déplie avec des planètes autour. Ça prend vraiment beaucoup de place, hein. Il faut une table avec de l'espace. Des couleurs très vives aussi, pour attirer l'attention, bien entendu. Voilà, des couleurs très vives. Les dessins, ils sont aussi très enfantins. Mm-hmm. Ce ne sont pas des gribouillages, mais ce sont vraiment des dessins qui pourraient être faits par des enfants. Donc, ils attirent l'œil de l'enfant avec des couleurs très primaires. Des mots-clés, ce n'est pas des longs textes, c'est vraiment du visuel avec des mots qui sont à l'intérieur importants et qui vont pouvoir intéresser les tout petits, parce qu'il y a beaucoup de dessins et on peut expliquer. Et les plus grands, ça sera une base, justement, pour de la question, voire de la recherche avec Internet de nos jours. Par exemple, là, on parle de la création de l'univers, de la Terre, du Soleil qui est une étoile. Mais s'il veut savoir le nom des autres planètes, c'est sûr qu'il n'y a pas tout le système solaire qui est dans le livre, mais il va pouvoir aller sur Internet quand il sera plus grand pour voir. Donc, c'est vraiment un livre qui peut être évolutif. Est-ce que le parent doit avoir certaines connaissances, je dirais, pour utiliser ce livre-là ou... Non. Vraiment, okay. Alors même si quelqu'un connaît pas le système solaire, qui n'y connaît rien du tout en science, qui avait aucune idée de ce que c'est que l'histoire, qui sait même pas qui c'est Darwin, qui en a aucune idée de ce qu'est le soleil, que le soleil était une étoile, par exemple, il y a vraiment aucun problème parce que les phrases de base sont assez explicatives et si on veut aller plus loin, le parent pourra même accompagner l'enfant, pourquoi pas aller voir une exposition qui traite du sujet, pourquoi pas donc aller, comme je disais, sur Internet, aller à la bibliothèque pour chercher d'autres livres, parce que ça, c'est vraiment, comme je disais, une vingtaine de pages, on parle de vraiment de beaucoup d'années là-dedans. Donc on parle des dinosaures, on parle de l'âge de glace, on parle de l'évolution des grands singes. Donc par exemple, on peut soulever leur petite tête, puis on voit qu'au début ils avaient un cerveau rikiki, c'est écrit rikiki, puis après on voit qu'ils avaient un cerveau minus, puis ils ont un cerveau petit, puis arrive l'ancêtre de l'homme et il a un gros cerveau. Donc les parents peuvent en apprendre presque autant que les enfants. Autant que les enfants, puis c'est vraiment drôle. Ce qui est vraiment bien aussi, c'est que c'est très participatif. Alors même pour un enfant qui aurait 2 ou 3 ans, qui sait pas lire, c'est tactile, il va pouvoir s'amuser à toucher des choses, à regarder, oh tiens, qu'est-ce qu'il y a? Oh lui, il a un petit cerveau. Il comprendra pas forcément ce que c'est le cerveau, mais il verra bien que ça grossit. Puis, plus il va grandir, plus il va comprendre d'autres choses dans ce livre. Donc, vraiment, quelque chose que je vous conseille à tous. C'est vraiment une belle découverte. Puis, il y a aussi un petit côté humoristique que j'aime bien sur la création de l'univers. Il y en a qui dit, il y a écrit à côté de la Lune, il y en a qui pensent que la Lune est faite en fromage, mais c'est complètement faux. Alors, en plus, ça enlève des mythes. Si jamais il y en a qui pensaient que la Lune était en fromage, ce livre vous apprend que je suis désolée, mais la Lune n'est pas faite en fromage. Donc, ce livre se finit sur une belle note, puisqu'elle dit, il y a une double page qui nous montre la Terre et qui nous dit, et quelle est donc la suite de cette drôle d'histoire? Parce que c'est une histoire qui n'est pas finie et nous en sommes les acteurs d'aujourd'hui. Les artisans. Et je trouve que c'est aussi une belle façon de montrer aux enfants que chaque ère, chaque animaux qui étaient sur la Terre ont eu leur empreinte à une époque donnée, uh-huh. avec des problèmes, on voit des problèmes climatiques, des météorites, uh-huh. Des grosses pluies. Puis là, on dit, ben voilà, maintenant il y a le monde d'aujourd'hui, puis ça va être quoi la suite ? Donc, il peut se passer encore plein de choses, et ce sont nous les acteurs, en tout cas, du monde actuel. On peut interagir. Donc, il y a aussi plein de discussions qui peuvent venir par la suite entre parents et enfants. Donc, un très beau livre que je vous conseille. Je te laisse redonner... Oui. Est-ce que l'auteur met aussi des références, des fois, mettons, le parent veut avoir approfondir un sujet, par exemple, qui est abordé dans le livre. Est-ce qu'il met une adresse Internet où on peut en savoir plus? J'ai pas trouvé quoi que ce soit l'auteur. En fait, c'est un artiste peintre, au départ, qui s'est intéressé par la suite à la science. C'est pour ça que les illustrations sont vraiment très attirantes pour les enfants, parce qu'il y a vraiment de la recherche qui est faite au niveau de l'illustration. Et ensuite, tout le reste s'accroche autour. Donc, il n'y a pas vraiment de choses, mais... Internet est tellement riche là-dessus, uh-huh. je ne doute pas que les parents intéressés vont pouvoir approfondir leur connaissance. Le sujet sans aucun problème. Et je vois que c'est publié par Larousse, je pense. Oui, c'est les éditions Larousse. On le trouve vraiment dans toutes les librairies, que ce soit des librairies de quartier ou... En tout cas, moi, je l'ai trouvé dans ma librairie de quartier et je l'ai déjà vu aussi dans des grandes chaînes de magasins, donc qui se trouvent facilement. Donc, c'est une drôle d'histoire. Et c'est abordable aussi. De Neil Layton. C'est un très beau livre, en tout cas. Qui coûte $14.99. Okay. Ça me paraît raisonnable pour un livre. C'est vraiment un très beau livre et qui suivra longtemps vos enfants. Moi, j'ai un petit bébé de 4 mois, je lui ai montré en préparant la chronique. Je ne sais pas s'il a compris grand-chose, mais il a aimé des couleurs. C'est bien, c'est déjà intéressant. Alors, on enchaîne avec un jeu, en fait, un jeu pour jouer aux mathématiques. Alors, toi-même, mathématicienne, Aurélie, alors raconte-nous comment les maths peuvent devenir un jeu. Et oui, parce que les maths, c'est tellement amusant. Tout le monde me demandait, tu fais des études en mathématiques, mais tu dois t'ennuyer tous les jours. Mais je m'amusais tous les jours, vous imaginez même pas. Et là, il y a vraiment un super site, en plus, qui a été fait avec le département des mathématiques de l'Université Laval. Alors, vu que je suis en train de passer de ma chronique Université Laval à celle de sciences et enfants, donc ça s'appelle Math en jeu. En fait, c'est un jeu de société multijoueur. Donc, on peut jouer soit contre des personnages ordinateurs, soit contre des amis, soit contre des gens qu'on connaît pas. Donc, qui porte sur les mathématiques. C'est conçu pour des élèves de primaire et de secondaire. Quand on s'inscrit, on va pouvoir dire quel est son niveau et donc on va rentrer dans le jeu suivant son niveau. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, un point très très positif parce que les questions qui vont être posées correspondent au niveau d'études qu'on a sélectionné au début. Alors si on veut voir un petit peu plus dur, on n'est pas obligé de donner le bon niveau, mais on peut vraiment sélectionner son niveau. C'est donc un jeu en ligne, là. Oui, c'est vraiment un jeu en ligne, mais c'est totalement gratuit. Okay. C'est vraiment sécuritaire, vous en faites pas. Il n'y a pas de spam, de problème, de virus. Là, c'est vraiment très correct. On va choisir, en fait, une salle où on va aller. Puis, il y a un énorme plateau de jeu qui apparaît donc sur l'écran d'ordinateur. Et puis, le but, en fait, c'est d'avoir le plus de points. Donc, au début, on dit, moi, je vais jouer 1 minute, 5 minutes, 10 minutes. On dit au début le temps de la partie. Et donc, le chrono commence quand on arrive sur le plateau et on se dépasse avec un petit bonhomme. Alors c'est marrant, au départ on sélectionne ces bonhommes. Vous pouvez sélectionner des chimpanzés, des bonhommes bleus, un bonhomme avec une crête. C'est vraiment drôle. On arrive, je suis sûre que tout le monde retrouvera son avatar là-dedans. Et donc on se déplace et plus on souhaite aller loin, plus la question va être difficile. Donc ça veut dire que sur l'échiquier, si on veut se déplacer de 2 cases, on va avoir une question de niveau facile. De 3 cases, ça va être moyen. 5 cases, c'est le plus grand déplacement, okay. Ça va être de niveau difficile. Mais toujours dans son niveau de connaissance qu'on a sélectionné au début. Okay. C'est juste les questions sont plus ou moins ardues. Et donc, on va avoir à répondre à ces questions. Puis il y a aussi des petits éléments qu'on va pouvoir... quand on se déplace, quand on tombe sur des cases où par exemple il y a une banane sur la case, en plus de répondre à la question, on attrape l'objet banane. Ah. Et donc par exemple, la banane, on peut la lancer à un adversaire et ça rend l'adversaire moins habile. C'est quand on marche sur une banane, on glisse. C'est un fait. On est moins habile sur une banane. Donc quand on envoie une banane dans le jeu des mathématiques, on devient moins habile. Qu'est-ce qui se passe ? Pendant 60 secondes, les adversaires reçoivent des questions difficiles. Peu importe leur choix. Ok. Aurélie, en fait, qu'est-ce qu'on pose comme question ? Des additions ? Donc, quel est le total de 2 plus 3 ou... Alors, il y a vraiment différents niveaux de questions. Moi, j'ai fait un niveau de grade 5 pour voir ce que c'était. Donc, les questions. Le plus haut niveau, si je comprends bien ? Non, ça fait de primaire, c'est le 5e niveau. Okay. Ça termine l'université. Le plus grand, c'est grade 12. Là. Donc okay, là, okay. C'était comme le cinquième niveau. Comme à l'école, vraiment, de la première à la deuxième année. D'accord. C'est ça. Donc, c'était vraiment des questions pour voir pour les jeunes. Et donc, par exemple, une des questions que j'avais en déplaçant de deux cases, donc question facile, ouais, c'était ajouter 5 dizaines à 451. Okay. Donc, on ne dit pas tout de suite ajouter 50 non, à 451. Donc, il y a quand même de la réflexion. C'est ça. Puis, il y avait d'autres questions du type, il y avait un mot-clé, je suis le et puis après on donnait la définition du hasard et il y avait quatre mots, le hasard, la soustraction, puis il fallait trouver le mot. Alors il y a des choses qui sont de l'ordre de la définition de termes mathématiques, okay. Aussi par exemple il dit Nicolas fait 157 km de vélo, il en a déjà fait 36 ce matin, combien lui reste-t-il à faire ce soir? Mais là au lieu qu'on donne le nombre de kilomètres, pour cette question, utilises-tu une soustraction, une addition, une multiplication, une division? Donc c'est vraiment... On ne demande pas le résultat, mais on demande l'opération. Voilà, donc il y a vraiment des choses où on demande à calculer, ah, ouais, d'autres choses où on demande le résultat, d'autres choses où on demande la signification des mots mathématiques. Donc c'est vraiment complet en termes de mathématiques et c'est vraiment drôle parce qu'on se déplace, on voit les concurrents qui se déplacent, puis avec les petits objets qu'on peut attraper comme... Je parlais de la peau de banane, on peut aussi attraper un cerveau. Puis quand on l'attrape, on devient plus intelligent. Et donc, ça veut dire qu'on a des questions plus faciles. Donc, il y a plein de petits objets secrets à attraper qui donnent des petits pouvoirs magiques. Donc, c'est vrai que c'est dans l'époque des jeux de rôle, les enfants, ils aiment souvent ça. C'est très, très ludique. C'est vraiment amusant. Puis on passe vite beaucoup de temps dessus. J'imagine. Et dans le deuxième niveau, hein, pour avoir une petite idée, est-ce qu'on parle plus de questions qui concernent soit les logarithmes ou la trigonométrie? Ouais, moi, après, je suis allée dans le ouais, niveau 11. Oui. Et puis, il y avait carrément... effectivement des logarithmes là-dedans, ça m'a fait même, je me suis dit oui, il faut bien s'accrocher, il y a des questions de probabilité, mais bon, okay, ça prendrait presque un stylo pour commencer à écrire, okay, sauf qu'il y a 60 secondes pour répondre à la question. Ah, bon, okay. Si vous ne répondez pas à temps, la question, elle s'en va, donc c'est sûr qu'il y a des choses, j'aurais pu répondre très très facilement en écrivant un petit peu, mais là de tête, ça devenait, il y a aussi le petit challenge du chrono, donc c'est vrai qu'il y en a vraiment pour tous les niveaux, là, vraiment. Okay. Mais on ne pose pas des questions vraiment intelligente du genre quel est le résultat de moins une demi-factorielle, non? Qu'on peut résoudre avec l'équation gamma. Puis, je ne me suis pas baladée partout, mais c'est quand même chaque fois de niveau primaire et secondaire. Okay. Donc ça ne va pas à ce niveau-là. Donc ça ne va normalement pas à ce niveau-là. C'est vraiment fait pour les jeunes, mais ouais, même des adultes ou des personnes qui ont été à l'université et qui, des fois, quand on n'est plus dans le bain tout le temps, ouais, hein, pas toujours évident. Oui, on oublie qu'on oublie vite. Hein. Ouais, surtout comme la trigonométrie ou les logarithmes. Voilà, des fois, on a besoin de réfléchir, puis comme petit chrono, là, il défile et que ça doit être instinctif comme réponse. Donc voilà, donc vraiment un bon moment. Donc je vous encourage à aller visiter ça avec vos jeunes. Et l'adresse électronique, c'est? Alors, vous allez pouvoir voir ça sur smac.ulaval.ca, smac.ulaval.ca ou matamaze.ca. C'est les deux sites qui redirigent vers le jeu qui s'appelle Math en jeu. Et c'est conçu par l'Université Laval? En fait, en partenariat, au départ, c'était un projet du centre de l'Université Laval. Et maintenant, il y a un regroupement canadien qui travaille avec. Donc, le jeu est devenu bilingue. On peut choisir. Ah bon, okay. Ouais, avant, c'était vraiment un projet québécois. Maintenant, c'est rendu canadien. Donc, c'est pour ça qu'il y a deux adresses, une anglaise et une française. Alors, merci infiniment, Aurélie. Ça nous a fait vraiment plaisir de te revoir oui, à l'émission. Aussi, on va se revoir, je pense, contente, une fois par mois, peut-être, oui, maintenant. Ça va être une fois par mois. Le mois prochain, je vais vous parler de l'exposition Science en direct, ah bon, okay, qui est au Musée de la Civilisation. Donc, je vais aller me promener dans les allées de l'exposition pour vous, chanceuse que je suis. Alors, merci beaucoup, Aurélie. Ça m'a fait vraiment plaisir. Alors, on fait une petite pause musicale sur CKRL 89,1 et on vous revient avec l'actualité scientifique.